Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD appelle les Burundais à voter oui lors du prochain référendum. Il a dit ce samedi en province de Rumonge. Par contre, le président de la coalition Amizero ya Burundi invite ses militants à voter contre le nouveau projet de constitution. C'était au cours de sa campagne de ce dimanche en province Cibitoke. La criminalité ne peut nullement être la politique. La vie est de Monseigneur Venaba Chinoni, évêque du diocèse catholique de Bururi, qu'il a dit ce dimanche lors de la commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat des 40 séminaristes et martyrs de la fraternité de Buta. Les jeunes de tendances politiques différentes des communes Ruhororo et Nyamurenza en province Ngozi travaillent en harmonie au sein des associations de développement, et cela sous la supervision de l'OIDEB, une organisation engagée dans le domaine de l'enfance au Burundi. Un enseignant du nom de Jacques Ndouaye vient de passer une semaine au cachot de la police en zone Bouhiga de la province de Kalusi sans être mis au courant des mobiles de son emprisonnement, comme l'indique sa famille. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par François Akimana et présenté par Alain Désiré Boukéenez. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La criminalité ne peut nullement être la politique. Monseigneur Venaba Chinoni, évêque du diocèse catholique de Bururi, l'a dit ce dimanche lors de la commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat des 40 séminaristes et martyrs de la fraternité de Buta, Jean-Pierre Misago. Dans son homélie, Mgr Venaba Chinoni a expliqué à l'Assemblée présente qu'aucune politique ne peut justifier la criminalité. Pour cet évêque du diocèse catholique de Bururi, l'on doit prier pour les auteurs de ce crime et ceux qui pensent encore commettre un tel crime, et Dieu peut changer leur cœur s'ils acceptent. Mgr Bacinoni n'a pas manqué de demander aux chrétiens du diocèse catholique de Bururi de prier pour une paix effective au Burundi. Il s'agissait là de la commémoration du 21e anniversaire de l'assassinat des 40 séminaristes martyrs de la fraternité tués le matin du 30 avril 1997, un 30 avril qui a coïncidé cette année avec un lundi, un jour qui ne pouvait pas permettre à plus de gens qui le désirent de participer dans ces cérémonies. Jean-Pierre Misago, depuis le petit séminaire Saint-Paul de Buta, pour la radio Isanganiro. Un enseignant du nom de Jean-Jacques Ndouaye vient de passer une semaine au cachot de la police en zone Bouhiga de la province de Kalusi sans être mis au courant des mobiles de son emprisonnement, témoigne sa famille. Le procureur de la République à Kalusi affirme avoir ordonné à un officier de police judiciaire de se saisir de ce cas. Il serait accusé d'avoir enseigné de voter non lors du prochain référendum, ce que nie sa famille. Blaise Pascal Kararumi. Cet enseignant de l'école fondamentale de Ruyaga, de la direction communale de Bouhiga, de la province Kalusi, a été arrêté par le commissaire de police dans la commune de Bouhiga le matin du dimanche passé. La famille indique être inquiète qu'il vient de passer toute cette semaine au cachot de la zone Bouhiga sans être interrogé et qu'il n'est pas au courant des mobiles de son arrestation. Elle signale que l'opinion parlait de campagne du non au référendum comme accusation portée contre cet enseignant, ce qui est rejeté par cette famille qui parle plutôt des mobiles politiques. Le commissaire provincial de la police de Kalusi nous a indiqué qu'il faut demander ce dossier au procureur de la République à Kalusi. Ce dernier nous a fait savoir qu'il vient d'ordonner à un OPG sur place à Bouhiga d'interroger son doyen Jean-Jacques et pouvoir le relaxer une fois qu'il trouve que les accusations ne sont pas fondées, ou bien instruire le dossier dans le cas du contraire. La famille se demande s'il ne serait pas victime de ses convictions politiques, signalant qu'il était un des dirigeants du MST dans la province Kalusi et qu'il a même été conseiller communal de la commune Bouhiga sur le compte de ce parti. Depuis Kalusi, Blaise Pascal Kararumie pour la radio Isanganiro. Les jeunes de différentes tendances politiques, religieuses et sociétales de communes de Nyamurenza et Ruhororo en province Ngozi travaillent ensemble dans des associations de développement. Le chef d'antenne Ngozi de l'Observatoire Ineza des droits de l'enfant au Burundi explique que c'est grâce à des formations dispensées par l'OIDEB qu'ils ont pu surmonter leurs différences d'opinion. Félix Sindaigaya précise que les bénéficiaires de ces formations sont des jeunes affiliés aux partis politiques. Les fidèles de différentes religions, les chômeurs, les déplacés et ceux ici des groupes minoritaires. Suivez-le. Au début, nous avons même eu des difficultés pour les rassembler. Parce que rassembler des gens qui avaient des opinions différentes, c'était vraiment un peu difficile. Mais après, quand nous avons pu les rassembler, nous leur avons donné des enseignements, une formation ensemble. Et ça a donné vraiment des résultats. Aujourd'hui, ils ont évolué. Ils ont pu changer leurs idées, ils ont pu changer leur mentalité. Donc, c'est grâce à cette formation, bien à ces séances de sensibilisation qu'ils ont pu changer. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse savent qu'elle doit travailler ensemble, elle doit rester ensemble. Elle savent que le fait d'avoir des appartenances politiques différentes, le fait d'avoir des opinions, des différentes opinions politiques, n'est pas un facteur pour affecter les mauvaises cohabitations. Par ailleurs, aujourd'hui, chacun apporte son expérience, il apporte son opinion, ça les aide vraiment à rester ensemble. Nous les avons mis dans des groupes associatifs. Aujourd'hui, ils pensent ensemble des projets pour se développer. Ils travaillent ensemble, ils ont déjà dépassé les opinions, bien les mentalités qu'ils avaient avant, ils ont changé vraiment. Sur la page politique, le secrétaire général du parti CNDD-FDD appelle la population burundaise à voter oui dans la prochaine élection référendaire. Évariste Ndayishimiye explique que la nouvelle constitution donne de l'espoir car le vice-président sera de tendance et ethnie différente de celle du président de la République. Les femmes y trouveront également profit. Il s'exprimait ce samedi à Rumonge lors de cette campagne référendaire. Il est traduit par Medar Niyonkuru. Votez oui pour que la femme puisse avoir une place satisfaisante au Burundi. La nouvelle constitution donne de l'espoir à tous les Burundais. Cet espoir est fondé sur le fait que le président de la République choisira son vice parmi les élus. Et ce dernier proviendra d'une ethnie et d'un parti différent de ceux du numéro 1. C'est pour que les leaders, les autres formations politiques aient confiance au gouvernement et pour que tous les Burundais soient satisfaits du pouvoir en place. La coalition Amizero ya Barundi invite ses militants à voter contre le projet de constitution qui sera soumis au référendum. Au cours de sa campagne ce dimanche à Rugombo en province Cibitoke, Agathon Gwasa, président de cette coalition, a indiqué que ce projet de constitution a été caché, ce qui signifie qu'il réserve un avenir incertain au pays. Il ajoute en plus qu'il a d'autres priorités, à savoir le problème de chômage et pauvreté que ça donnait à modifier unilatéralement la constitution. Il est également traduit par Medar Niyonkuru. Ils disent que c'est vous qui ont demandé l'amendement de cette constitution. La constitution est là pour tout Burundi. Le changement de cette dernière n'a pas été fait par la volonté des Burundais. Il n'y a jamais eu consensus pour l'amendement de cette constitution. Ce n'est qu'une partie des gens qui l'ont amendé pour les Burundais. Est-ce qu'il y a des Burundais et des Burundais à moitié? Moi, je suis d'accord avec l'égalité des Burundais. Si on se sépare avec les mensonges, je suis confiant que tous les problèmes pourront trouver des solutions. Isanganiro. Le journal continue sur Isanganiro et sur la page Société. Plus de 50 personnes ont trouvé de l'emploi grâce au projet Palette, initié par la Braroudi en collaboration avec la Cité des Jeunes Don Bosco de Buterere. Certains employés, via ce projet, disent être satisfaits de son travail de fabrication des meubles comme les tables et chaises dans des planches sur lesquelles sont déposés des casiers de boissons de la Braroudi. Le directeur de Don Bosco, le ministère de l'Environnement, l'Agriculture, l'agriculture et l'élevage, ainsi que celui de l'enseignement des métiers, apprécie ce projet. Ils invitent les jeunes de s'inspirer des métiers. Eli Nibel, Nibigira. Ceux qui extraient des clous dans les planches usées, ceux qui s'occupent de la soudure, ceux qui collent des planches, voilà les activités qui occupent le personnel de la cité des jeunes Don Bosco. Ils disent que les planches qu'ils utilisent proviennent de la brasserie, Raoudi, qui les utilise comme dépôt de casier. Certaines de plus de 50 personnes qu'emploie Don Bosco se disent fiers de leur travail et affirment que c'est très bénéfique pour elles. Le directeur du service marketing à la Braroudi, Hubert Aizé, indique que la Braroudi a pris cette initiative pour diminuer les moyens qu'elle utilise dans l'achat des meubles comme des chaises et tables et autres. C'est un projet qui a une valeur ajoutée sur plusieurs facettes. Jusque-là, les seuls mobiliers que nous étions en mesure de fournir à nos bars étaient des mobiliers en plastique qui étaient exclusivement importés. Ce projet nous permet donc d'acheter des meubles en francs burundais et donc qui ne nous coûtent rien en devise. Père Ferdinand Hunzgenimana, directeur de cette cité Don Bosco de Buterere, indique qu'il souhaite que ce projet couvre toutes les provinces du pays. Epaphras Ndikumana, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et de l'Élevage, fait savoir que ce projet est utile dans la préservation de l'environnement. C'est un projet très appréciable dans le sens où il nous permet de protéger nos patrimoines forestiers. Le directeur de l'enseignement des métiers invite les jeunes à embrasser les enseignements des métiers. Lors d'une visite de la Braroudi à cette cité ce vendredi, étaient présents ceux qui avaient représenté leur pays comme la Belgique, la Tanzanie, la France, le Kenya et bien d'autres. Eli Nibel Nibigira qui tombe au Bujumbura et Randono à Gitega. Les fortes pluies qui se sont manifestées dans certaines provinces du pays ont également touché celle de Gitega ces derniers jours. Le gouverneur de cette province indique que les dégâts n'ont pas été énormes, sauf la production du haricot qui va chuter. Vena Manirambona indique toutefois que les prévisions montrent que la production des bananes sera bonne. Suivez-le. Effectivement, dans notre province et d'ailleurs dans tout le pays, il s'est manifesté de fortes pluies, mais nous constatons qu'il y aura une diminution de la production et surtout pour le haricot. Mais sûrement que dans d'autres filières, par exemple les filières bananes, il y aura une augmentation de la production. Donc ce qu'on perd à droite peut être récupéré à gauche, mais nous constatons qu'il y aura une faible production pour le haricot. Mais quand les ménages sont conscients et qu'ils voient le danger qui est devant, il suffit de s'asseoir ensemble pour trouver solution, puisque on peut avoir une autre alimentation qui peut remplacer le haricot et ça peut bien marcher. Nous avons une stratégie nationale de sécurité. Si on essaie de travailler là-dessus, on peut trouver solution. Je ne peux pas confirmer qu'il y aura la famine dans notre province. Il suffit que tous les ménages soient conscients et travaillent conséquemment pour essayer de résister au choc. De Gitega, retournons à Bujumbura sur la capitale. Le pont se trouvant au prolongement de la 12e avenue de la zone Buyenzi, commune Mukaza, relia cette zone et le marché Bujumbura City Market, communément appelé Chez Sillon, est menacé d'écroulement suite à l'érosion provenant des fortes pluies. Les utilisateurs de ce pont, demandent à l'État de penser à sa réhabilitation. Reportage signé Vestine Boutoy. Ce pont se trouva sur la rivière Nahangwa, à le regardant dans toutes ses extrémités, présente des fissures qui inquiètent les passants. Ces usagers qui font des va-et-vient sont surtout les cyclistes, les motards et les piétons. Les habitants du quartier Buyenzi indiquent que c'est la seule voie qui facilite leur déplacement vers le marché Bujumbura City Market, communément appelé Chez Sillon. Ce pont est d'une grande importance pour nous car il facilite dans nos déplacements vers nos lieux de travail et pour nos différentes visites chez nos amis et un peu partout. Nous sommes inquiets car, une fois détruit, nous n'aurons plus de passage. Ça sera vraiment une grande perte. Les mêmes habitants demandent à l'État de penser à la réhabilitation de ce pont pour faciliter leur vie quotidienne. Ce pont a une grande importance, notamment pour nous les citoyens, car vous voyez que ça y passe beaucoup de passagers. Ça serait mieux de le reconstruire parce qu'en passant ici, on ne voit pas s'il s'agit d'un simple chemin ou d'une route. Mais en regardant, on voit que c'est une route.